La scène est à Naples, une rue devant la maison de Claudio. L'amour de Célio pour Marianne est repoussé. Le juge Claudio, son mari, irrité par les concerts de guitare donnés sous la fenêtre de sa femme, est bien décidé à faire assassiner le prétendant. El Valle essaie en vain de dissuader Claudio. « Votre femme n'a pas d'amant. Monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la ville. » Claudio et son valet sortent.